Masalem. Donc comment c'est au féminin? Haqibatun hamra'u. Une sacoche rouge. Sha'lun aswadu. Cheveux noirs. Tu veux dire quoi? Lihyatun sauda'u. Une barbe noire. طبعا تفضل انت منديل ابيض ورقه بيضاء نعم منديل ابيض مشوار بلون ورقه بيضاء une feuille blanche ou une page blanche ورقه على الصفحه ملف اصفر سياره صفراء نعم document ou un classeur rouge une voiture rouge قميص اخضر شجرة خضراء. نعم. قميص vert. Un arbre vert. De la شجرة en arabe du féminin. رجل أسمر. امرأة سمراء. نعم. Un homme mat. Asmar c'est couleur mat foncée mais sans être noir. Mat de peau. T'as dit امرأة سمراء. نعم. Donc il dit Sadisan, Ikra, Mayali, Muta'allaman, Muta'alliman, El Asma Dalla al Alwan. Donc il dit, lis ce qui suit tout en méditant sur les noms des couleurs. Donc là il va te refaire un khurasa de ce que tu viens de prendre. Il dit, Jumal Oula, Sha'ru Rasi Aswadu, Walihyati Beida'u. Donc il dit, les cheveux de ma tête, voyez, sont noirs. Et ma barbe est blanche. Uridu karaman azraka wa hakibatan hamara. Dit, je veux un stylo bleu et une sacoche rouge. Thalithan, wa asmaru wa zujatuhu aida samara'u. Il dit, il est mat et sa femme également est mat. Rabi'an, sayyaratul mudir hadara'u wa sayyaratul mudarrisu wa mudarrisi baida'u. Il dit, la voiture du directeur est verte. Et la voiture du professeur est blanche. Khamisan, Adil Bakaratu Saouda'u Jamilatun. Il dit cette vache noire est belle. Saadis, Majmala di Zahrata Hamra. Donc il dit, comme est belle cette rose rouge. Zahra, c'est une rose. Sabi'an, Hati Burakatan Beida. Maman a Hati. Donne une feuille blanche ou une page blanche. Waraka safha qui veut dire une page. Waraka une feuille. Non. Thaminan, liman hadhihi as-sayyara as-safra. À qui cette voiture jaune? Safra c'est le monas de asfar. Tasian, a hadha daftaru dhu al-ghilaf al-asfar laka ya Hafsa ou laki ya Hafsa. Donc il dit, est-ce que ce cahier qui a une couverture jaune est à toi ou Hafsa? Ashir, ma'ajmala tilka shajara al-hadara allati amam al-jami'a. Donc il dit, qui comme est belle ou comme est beau, enfin, l'arbre vert qui se trouve devant l'université. Ça veut dire, il dit, d'or fil forar fima yali kalimatan tadulu ala lawn munasibin. Donc il dit, mets dans les trous un mot qui démontre une couleur qui correspond avec le sujet. Donc ça, celui-là, Inch'Allah, c'est à cause du bait. Il ressemble beaucoup aux exemples précédents. Les phrases à son proche. Ça y est. Le féminin des mots de couleur, il est comme le masculin. Il est maintenant dans le sarf. Vous voyez, tu dis Sayyaratu ou Sayyaratun Hamra ou, comme tu dirais, Dakhaltu Sayyaratin Hamra A. Vous voyez, tout comme tu dirais, Dakhaltu Fibaitin Ahmara. Vous voyez, pareillement, les couleurs au féminin, elles sont Mamno Mansarf. La Melotafian, il va te donner une nouvelle catégorie de noms qui n'ont pas été cités dans le Kitab Awel,

أختي غسلت غسلت أختي القميص الأخضر القميص القميص الأخضر وقميصا آخر. نعم. Donc il dit ma sœur elle avait le camis vert et un autre camis. مفهوم آخر وأخرى. ثاني عشر تأمل المثال ثم أكمل الجملة الآتية بوضع ذو أو ذا في الفراغ. Donc maintenant on va revenir comme on avait dit ذو من الأسماء الخمسة أو ستة. C'est-à-dire fait partie des cinq noms ou peut dire aussi les six noms. Leur particularité, on a dit, c'est lorsque dans le raf, le signe du raf c'est quoi? Waouh. Comme Abu, tu dis, quoi? Abouka. Abouha. Abouhum. Wal-akh, كذلك. Akhouha. Akhouka. Akhouhum. Et d'où, il rentre parmi la même catégorie de noms, tu dis, ذو مال ذو العلم ذو كذا وذو كذا. Celui qui a de la science, celui qui a de l'argent. Et quand ils sont mansouba dans le nasb, leur signe c'est quoi? Al-alif. Tu dis ra'aytu abaka, ra'aytu akhaka. Quand même, fa'dha est pareil. Tu vas dire sahibtu dha ilmin. J'ai fréquenté une personne de science. Personne qui a de la science. Regarde, il dit عندي دفتر ذو ورق مسطر. J'ai un cahier avec des feuilles, avec des lignes. هذا مصحف ذو حرف كبير. Ce مصحف a des grandes lettres. Ça, c'est quand il est marfour. ذو, ذو. Et maintenant, il va te mettre mansoub. اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. Donc j'ai acheté un cahier qui a des feuilles avec des lignes. اريد مصحفا ذا حرف كبير. Je veux un mushaf qui a des grandes lettres. طيب لا اشتريت دفترا ذا ورق مسطر. اين المفعول به؟ Il n'y a pas de piège. Daftaran. Et ça, pourquoi le mansoub, c'est pas l'entrée de vie. C'est un baden. Vous voyez? Ou un sifa plutôt. Et sifa là. Après, non. Naat. Sifa naat. Donc, on avait dit quoi? Nart, il prend la même mi'rab que le manout. Et pareillement dans Ouridou Moshafan, Za Harfin Kabirin. Donc là, Za, il est quoi? Nart de Moshaf, qui lui-même m'a produit. Maintenant, il faut qu'il mette dans les trous Zou, Aou, Za. Je vous mets où là? غلافين. غلافين نعم. Il dit j'ai un cahier qui a une belle couverture. ثانيا أريد دفترا ذا غلاف أخضر. نعم. Il dit je veux un cahier qui a une couverture verte. ثالثا رأيت مع المدير رجل لا رجلا نعم ذا لحية بيضاء. Il dit, j'ai vu avec le directeur un homme ayant une barbe blanche. Rabi'an. Alors, Aina talibu al-jadidu dun nadarati al-jamilati. Il dit, où est le nouvel élève qui a de belles lunettes? Khamisan. Man hadha ar-rajulu dhu sha'ri tawili. Il dit, qui est cet homme qui a de longs cheveux? شعر الشباب. سادسا اسأل ذاك الرجل ذا القميص لا ذا القميص لا. C'est quoi qui vient après vous?

Halwa, jam, halawa. Ça, c'est les sucreries, les bonbons. Namouzaj, jam, namazaj. C'est un échantillon d'une chose. Un bout d'une chose. Akhar, el mouanas, c'est ukhra. Ça, c'est autre. Akhar, c'est autre. Et son mouanas, c'est ukhra. Shay, jam, ashia. Shay, ça veut dire chose. Vous voyez, shay, ça veut dire chose. Et son jam, c'est ashia. Et il est mamnoum le sarf. D'ailleurs, ashia. Ishtara, yashtari. Qui veut dire acheter. Ça, c'est un verbe à 5 lettres. Khumasi. On va apprendre, inshallah, comment il se conjugue. Safun, jam, soufouf. Les rangs. Suratun, jam, suar. Ça, c'est quoi une image? Vous voyez, avec un sod, hein, suar. Avec un sin, c'est le surat, comme cela a été traduit. Asmar, mouanas, samra, c'est mat. C'est ce qui est avant d'être noir. Tu vois une personne qui a la peau foncée, mais qui n'est pas noire. On va dire, foulen asmar. Mafoumada? Non. Andek souen? Là. Voilà. Fanak tafibi hada wa nakul, alhamdulillah, bil alamin.